mon argent et les yeux. À la babylonienne, des gestes purement diaboliques. Ah oui, hein? En un mot, vraiment, tout est devenu flatteur. Le vrai amour a disparu. Ah ouais. ça a gagné, c'est ça qui fait l'affaire, c'est ça qui fait le poids, c'est ça qui fait l'affaire, c'est ça qui fait la poids, c'est ça qui fait l'affaire, c'est ça qui fait la bientôt exigé. quelqu'un qui tient le système. Il faut aussi que cet argent ait les yeux, normalement. Franchement. Tourne à gauche, à droite, c'est pour bien voir. Si tu es bien pour moi, si tu me conviens.